c'est très bien. Et maintenant, on tape dans ses mains. Allez, je vous emmène maintenant au lycée Papillon. Je conseille d'entendre le lycée, connaisse la musique. Ça, c'est chanté par Lucien Jeunesse. Paris, je t'aime. Oui, je crois qu'il y a un problème. Je t'aime. Décidément, on n'aura pas le lycée Papillon. Eh bien, on va faire sans lycée Papillon. On va faire sans lycée Papillon et on va se retrancher vers Lina Margie. Elle sera là. J'en suis sûr et certain. Et ce sera pourquoi ? Non, même pas. Ah, le petit vin blanc ! C'est l'heure. Voici le printemps, la douceur du temps nous fait des avances. Partez mes enfants, vous avez 20 ans, partez en vacances. Vous verrez agile sur l'onde tranquille les barques dociles aux bras des amants. De fraîches guinguettes, des filles bien faites, il y a des chansonnettes et il y a du vin doux. Le petit vin blanc. On voit sous les tonnelles, quand les filles sont belles, du côté de nos dents. Et puis de temps en temps, un air de vieille romance semble donner la cadence. Pour côté, dans les bois, dans les prés, du côté de nos gens. Suivons le conseil, monsieur le soleil. Connais son affaire, cueillons en chemin ce minois mutin, cette robe claire. Venez, belle fille, là sous la charmille, soyez bien gentille, l'amour nous attend. Les tables sont prêtes, l'aubergiste honnête, il y a des chansonnettes et il y a du vin blanc. Ah, le petit vin blanc. On boit sous les tonnelles, quand les filles sont belles, du côté de nos gens. Et puis de temps en temps, un air de vieille romance semble donner la cadence. Pour fauter dans les bois, dans les prés, du côté de nos gens. Assez-je charmant, la taille souvent prend de l'avantage. Ce n'est pas méchant, ça finit tout le temps par un mariage. Le gros de l'affaire, c'est lorsque la mère demande sévère à la jeune enfant. Ma fille raconte comment, triste honte, as-tu fait ton compte? Réponds, je t'attends. Petit vin blanc, on boit sous les tonnelles, quand les filles sont belles, du côté de nos gens. Et puis de temps en temps, un air de vieille romance semble donner la cadence. Pour fauter dans les bois, dans les prés, du côté de nos gens. Car c'est toujours pareil, tant qu'il y aura du soleil, on verra les amants au printemps. S'en aller pour fauter dans les bois, dans les prés, du côté de nos gens. On continue, on espère trouver le lycée Papillon par Lucien Jeunesse. Il veut pas. Non, alors c'est pas la peine d'insister. On continue avec Lina Margie et on écoute maintenant Pourquoi recommencer ? c'est notre nid, tout est fini. Adieu les chansons d'espoir des premiers soirs. Pourquoi s'émerveiller des romans effeuillés? Pourquoi recommencer? Les beaux jours sont effacés. Nous avions fait un rêve. Ce n'était qu'un rêve trop court. Pourquoi recommencer? Oublions les jours passés. Les roses ne fleurissent et ne s'épanouissent qu'un jour. Dans votre cœur, d'autres bonheurs viendront verser leurs chansons. Sur le chemin, une autre main demain prendra votre main. Pourquoi recommencer? Nos deux cœurs se sont lassés. Partons à l'aventure. Ici-bas rien ne dure. Pourquoi recommencer? Ne regrettez pas les étés ensoleillés. Reste bien souvent qu'un peu de vent. Pourquoi vouloir cueillir de tristes souvenirs? Pourquoi recommencer? Les beaux jours sont effacés. Nous avions fait un rêve. Ce n'était qu'un rêve trop court. Pourquoi recommencer? Oublions les jours passés. Les roses ne fleurissent et ne s'épanouissent qu'un jour. Dans votre cœur, d'autres bonheurs viendront verser leurs chansons. Sur le chemin, une autre main demain prendra votre main. Pourquoi recommencer? Nos deux cœurs se sont lassés. Partons à l'aventure. Ici-bas rien ne dure. Pourquoi recommencer? Elle a 16 ans, les yeux troublants, c'est un bouquet de jeunesse. Tous les passants, en la regardant, croient avoir trotté le printemps. On l'appelle brin d'amour, elle est belle comme le jour, et l'on voit du bonheur dans ses yeux. Car elle aime un beau gars qui lui a dit tout bas, nous tâcherons d'être heureux tous les deux. Ça s'est fait simplement, un baiser, un serment. Puis un soir au faubourg, il conquit pour toujours brin d'amour. Les premiers temps, ce fut charmant, il s'était mis en ménage. Quand elle passait, les gens disaient, ça ne finira jamais. On l'appelle brin d'amour, elle est belle comme le jour, et l'on voit du bonheur dans ses yeux. Car elle aime un beau gars qui lui a dit tout bas, nous tâcherons d'être heureux tous les deux. Ça s'est fait un baiser, un serment, puis un soir au faubourg, il conquit pour toujours brin d'amour. Le plus souvent, tous les romans sont finis dès le prologue. Oui, mais tous deux, c'est merveilleux, vivent un beau rêve bleu. On l'a s'appelle brin d'amour, elle est belle comme le jour, et l'on voit du bonheur dans ses yeux, car elle aime le beau gars qui gaiement lui prouva que l'on est heureux quand on est deux. Je n'ai rien inventé, ça peut vous arriver, c'est facile comme bonjour, il suffit de trouver un brin d'amour. De trouver un brin d'amour. Le vent profond comme la mer, c'est rien souvent. L'amour, c'est la fleur fragile accrochée au volcan. L'amour, c'est une hirondelle qui revient chaque printemps. L'amour, c'est une étincelle dans les yeux d'un enfant. L'amour jaillit du silence pour faire éclater des symphonies. L'amour, l'amour ensemence les jardins de la vie. L'amour gonfle la grand voile au mystère venu d'ailleurs. L'amour descend des étoiles pour que naisse une fleur. Dites-moi où se cache l'amour. Alors dites-moi pourquoi on tue l'amour. Écoutez, écoutez, l'oiseau s'étue au bruit des armes. Alors dites-moi où se cache l'amour. Alors, dites-moi pourquoi on tue l'amour. Écoutez, écoutez, l'oiseau s'étue au bruit des comme le vent, profond comme la mer, l'amour attend qu'un jour des ruines renaissent, le sourire d'un enfant. Alors, dites-moi où se cache l'amour. Écoutez, écoutez, l'oiseau s'étue au bruit des armes. Alors, se cache l'amour. Alors, dites-moi pourquoi compte-t-on l'amour. Arrêtez, arrêtez, l'amour sais-tu, je fais les armes. Allons. Ah non, savoir que dire. Bonjour. À n'avoir que toi, hein, d'horizon. Monsieur Maurice Mérieux, Médieux, pardon. Et ne connaître de saison. Non. Que par la douleur du parti. Parce que j'ai parti un peu de Michel Vrobel, mais c'est pas. Aimer à perdre la raison. Il est à côté de Château. C'est toujours toi que l'on laisse. Venir le voir parce que c'est toujours ton miroir brisé. Mon pauvre bonheur, ma faiblesse. Toi qu'on insulte et qu'on délaisse. Dans toute chair martyrisée. Canto, l'hymne basque, par Alfred Asari. Ce massacre, parce que j'ai l'impression que ça, y a quelque chose qui ne va pas du tout cet après-midi. On va essayer de retrouver notre programmation. Voilà donc l'hymne basque par André Dassery. Passées de 27 minutes. Mas amus ansun. planos aus azuis, perché poschi bene, mas amus ausus. Se canto che canto, canto basse lu, canto per l'anio, che sarebbe lu. A che los montagnos danza basharan, e mas amuretos sera pu. Se canto che canto, canto passeggio, canto bella mio, che sarebbe più. Válgame Dios, nadie me ha visto salir si no fui yo, y una linda gachinanga aliavo yo, que se vino tras de mí, que sí señor. Y a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño que es mi persona, cuántala tus amores bien de mi vida, corónala de flores que es cosa mía, ay chinita que sí. Ay, que dame tu amor, ay, que vente conmigo, chinita, a donde vivo yo. Ay, chinita, que sí, ay, que dame tu amor, ay, que vente conmigo, chinita, a donde vivo yo. El día que nos casemos, válgame Dios, en la semana que a ir me hace reír, si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño que es mi persona. Cuántala tus amores bien de mi vida. Corónala de flores que es cosa mía. Ay, chinita que sí. Ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo, chinita, a donde vivo yo. Thank you. fois. Violetta, chère idole, si je chante, c'est pour toi. J'ai fleuri ma gondole, ni discret de nos émois. Tout là-haut, l'azur s'envoile, embrasé par les étoiles. C'est pour toi. Eh bien voilà, vous avez écouté successivement, je sais pas quoi, mais c'est pas mal. Ça devait être Violette la dernière, ces missionnaires sont bons. Alors on va changer un petit peu, on va écouter Madoudou. Oui, ça s'appelle comme ça, par Gilles Salah. Ma doudou. Si ça veut bien démarrer, ce sera magnifique. Ma doudou est partie tout là-bas, l'autre côté de la mer, qu'est pour moi. Sur ma tête, y a toujours le soleil, mais là-bas, c'est sûrement pas pareil. Elle reviendra pas, moi, je suis toujours là. Toujours seul, je regarde là-bas, le bateau sur la mer, qu'est pas moi, et je n'ai plus envie que de chanter, les bateaux, ils devraient m'aborder. Je alors je lui dis, Il est au Brésil une ville, un charmant petit coin tranquille, où la vie est douce et facile, et qu'on nomme Curitiba. Dès qu'on justifie connaissance, ce n'était pas le consul de France, mais proconsul, quelle chance d'habiter ce pays-là. Parmi les tuyas et les magnolias, il a une maison avec véranda. Il a des jardins pleins de réséda, monsieur consul à Curitiba. Quand il veut sortir, il trouve à deux pas le décor si beau qu'offre la pampa, les cactus géants et les catalpas, monsieur le consul à Curitiba. Sa jolie servante s'appelle Maria. Parce qu'il la trouva près de Bahia. Elle a deux beaux yeux et en plus de ça, elle sait divinement faire le chocolat. Qu'il aime Brandoli comme vrai pacha, monsieur le consul à Curitiba. Là-bas c'est aussi le pays de la samba, on pourrait l'envier rien que pour cela, mais il ne bouge guère à cause du climat, monsieur le consul à Curitiba. Il fait comme les autres, il ne se fatigue pas, il boit son café et fume son tabac, mollement étendu sur un bon sofa, monsieur le consul à Curitiba. Et pour se remonter, quand il se sent las, ah, il a sous la main du vrai quinquina. Ah. Et puis il y a aussi la belle Manola, les petits potes des dieux qu'on n'insiste pas, mais qu'elle venait là, cet animal-là. Monsieur le consul à Curitiba, monsieur le consul à Curitiba. Ah, ah, ah, ah, ah. Eh bien, on continue, 14h passées de 43 minutes, on va rattraper le temps perdu et on va écouter monsieur Pierre-André à l'accordéon pour une fois. Mais par contre, ah oui, il est codé. Je ne peux pas vous le faire écouter. Ah, décidément, il y a des jours sans. Il y a des jours sans. On va trouver quelque chose d'autre tout à l'heure. On continue avec Lina Margie. Demande si je t'aime, si j'aime vivre sous ton toit. Pourquoi me demander de même si je resterai près de toi? Comment, chérie, peux-tu me dire tous ces mots quand tu sais très bien que du fond de mon cœur j'aspire à te garder, toi mon seul bien. Tu m'apportes les beaux jours que je m'imaginais. Tu m'apportes le beau rêve que mon cœur attendait. Si le printemps fait épanouir les fleurs, ton amour fait éclore mon bonheur. Tu m'apportes le beau rêve que mon cœur attendait. J'ai donné ma jeunesse, à toi j'ai donné tout mon cœur. Tu tu sais que tu as ma tendresse et que tu tiens tout mon bonheur. Vois-tu, chérie, n'aie plus de doute, près de toi je serai toujours. En te rencontrant sur ma route, j'ai rencontré mon seul amour. Tu m'apportes les beaux jours que je m'imaginais. Tu m'apportes le beau rêve que mon cœur attendait. Si le printemps fait d'épanouir les fleurs, ton amour fait d'éclore mon bonheur. Tu m'apportes le beau rêve que mon cœur. Ben voilà, ça c'est donc Nina Margie. On va continuer avec un morceau qu'on a demandé, qu'on m'a demandé samedi, si mes souvenirs sont bons. C'est Marc Michel et son orchestre. Et je ne cite pas, je ne fais pas de dédicace lundi, mais la personne se, je dis bien la personne se reconnaîtra. Voilà. Alors c'est parti. Avec un peu d'accordéon, c'est pas grave. Où est passé le temps qu'on aime, celui bien sûr des fenaisons, où l'on ménageait pas sa peine, mais dans la joie et les chansons. Où est passé la belle saison, le souvenir si merveilleux, de raconter de mille façons, c'était celui des jours heureux, avec la faux sur l'épaule, on démarrait de bon matin, quelquefois même avant l'aurore, fallait tenir le soir loin. Quand arrivait le déjeuner, on buvait bien quelques canons, mais c'était vite éliminé, il fait bien chaud, c'est la saison. Où est passé le temps qu'on aime, celui bien sûr des fenaisons, où l'on ménageait pas sa peine, mais dans la joie et les chansons. Où est passée la belle saison, le souvenir si merveilleux, de raconter de mille façons, c'était celui des jours heureux. Et puis plus tard dans le Grand Pré, arrivaient femmes et enfants, dans la gaieté on râtelait, pourvu au moins qu'on ait beau temps. Le soir est venu, on engrangeait, les belles meules façonnées, une fois au loin qu'on tapait, une journée se terminait. Où est passé le temps qu'on aime, celui bien sûr des fenaisons, où l'on ménageait pas sa peine, mais dans la joie et les chansons. Où est passée la belle saison, le souvenir si merveilleux, le raconter de mille façons, c'était celui des jours heureux. Ce paysan que tu étais, toujours confiant dans l'avenir. Où as-tu donc bien pu passer? Ne pourrais-tu pas revenir? Mais je suis sûr qu'un jour viendra, tu voudras revoir la maison. Dans l'amitié comme autrefois, vivre le temps des fenaisons. Où est passé le temps qu'on aime, celui bien sûr des fenaisons. Où l'on ménageait pas sa peine, mais dans la joie et les chansons. Où est passée la belle saison, le souvenir si merveilleux, le raconter de mille façons, c'était celui des jours heureux. Petite poupée des Antilles, rien à voir avec le morceau qu'on vient d'écouter. Petite poupée des Antilles, Gilles Chalas. Petite poupée des Antilles, aux yeux noirs, à la peau bronzée. Petite poupée des Antilles, tu es née sur les Champs-Élysées. Dans la vitrine d'un artiste, près d'un arlequin démodé et d'un vieux clown loin de sa piste, qui donc osera t'acheter? La la la la la la la la la la, une enfant choisit l'arlequin. La la la la la la la la la la, que c'est triste ton grand magasin. Petite poupée des Antilles, aux yeux noirs, à la peau bronzée. Petite poupée des Antilles, qui donc osera t'acheter? Espagnol avec sa mantille, t'as dit inutile d'espérer. Les gosses n'ont pas les yeux qui brillent pour les poupées hautes pensées. La la la la la, la la la la la, qui donc t'a donné cet air-là? La la la la la, la la la la la, on m'achètera avant toi. Pourtant une enfant si jolie qu'un grand roi pourrait l'épouser, a dit la poupée des Antilles, et celle dont j'avais tant rêvé. Dans ses grands yeux le soleil brille, papa peux-tu me l'acheter? Car cette poupée des Antilles est belle comme un conte de fées. La la la la la, la la la la la, dans mon berceau tu seras bien. La la la la la, la la la la la, pour dormir je te tiendrai la main. Allez, viens, viens ma poupée chérie, viens faire dodo avec maman. Pour moi, tu es la plus jolie. La la la la la, la la la la la, la la la la la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la la la, la la la la la la la, la la la la la la la, la la la la la la. Et oui, on écoute maintenant Silence. Une abeille un jour de printemps, le on continue avec Gilles Chalas pour l'instant. Sous la rose bruyère en fleurs, dont si douce est l'odeur. Au pied de la bruyère en fleurs, une pauvre chenille en pleurs regardait voler dans le ciel la petite et son miel. Et la pauvre chenille en sanglots lui disait je vous aime. Mais l'abeille là-haut, tout là-haut, n'entendait pas un mot. Cependant que les jours passaient, la chenille toujours pleurait. Et l'abeille volait gaiement dans le ciel du printemps. Après avoir pleuré jusqu'à la nuit, notre chenille s'endormit. Mais le soleil de ses rayons vint éveiller un papillon. Et sur une bruyère en pleurs, notre abeille a donné son cœur, tandis que chantaient les grillons au petit papillon. Par les bois, les champs et les jardins, se frôlant de leurs ailes, ils butinent la rose et le thym dans l'air frais du matin. Ma petite histoire est finie, elle montre que dans la vie, quand on est guidé par l'amour, on triomphe toujours, on triomphe toujours. On écoute maintenant l'orchestre Ramon Mendizábal et il nous interprète Ramon Mendizábal et son orchestre typique. Comment vas-tu? J'espère bien, c'est tout ce que je souhaite. Comment vas-tu, Ramon Mendizábal et son orchestre typique? Continue avec Ramon Mendizábal et cette fois-ci on va écouter le numéro 2, si vous voulez bien, Chemin de gloire. Yeah. Île d'amour, I-L-E, Île d'amour par Bruno Clair. D'un jour d'été plein de silence, une barque s'avance vers l'île de beauté. Si ton joleur au flot berceur qui nous attire, tu gardes le sourire des femmes et des fleurs. Chanteur, où la vie s'écoule en un décor d'azur et d'or, nuit de velours, plus douce que le jour. Force chérie, calme et douce est la vie, et le bonheur trop court. Sans me lasser, je veux chanter l'âme ravie, la douce mélodie qui me berce toujours. Où la vie s'écoule en un décor d'azur et d'or, nuit de velours, plus douce que le jour, tu nous donnes l'espoir du bonheur. On écoute maintenant Louis Linel. Louis Linel et les roses de Picardie. De ses grands yeux de saphir clair, aux reflets changeants de la mer, Colinette regarde la route, par les vents tressaillent et coupent, car au loin, dans le silence, monte un chant enivrant, toujours tremblant et laissant vivante, devant ce premier chant d'amour. Des roses s'ouvrent en Picardie, et ses morts arômes si doux. Dès que le lion a pris la dédit, il m'enlève pareil à vous. Nos chemins pourront être un jour écartés, qui les roses perdront leur couleur. Moi sa beauté, c'est la fleur que j'enferme en mon cœur. À jamais sur l'aile du temps, depuis l'aube puis les ans, mais il lit dans ses yeux la tendresse. Ses mains n'ont que des caresses,

Je n'oublierai pas le soir où tu m'as dit gaiement: je vais jusqu'au tabac, veux-tu m'attendre un petit moment? Depuis 28 et jours, c'est tu n'es Léon, pas encore de retour. Ben, mais où es-tu, mais où, mon bel amour? Léon, j'ai tant souffert de ne plus te voir, que chaque soir dans mon désespoir, depuis je prends la cuite. Oh Léon, Léon, Léon, Léon, si tu voyais quelle est ma douleur, tu comprendrais que j'ai mal au cœur de ma conduite. Des nuits entières, je pleure dans mon verre, et lorsque j'y vois double, mon trouble redouble. Les gens se roulent de voir que je suis saoule, surtout quand je m'écroule, criant comme un putois. Oh Léon, crois-moi, si j'ai vidé des tas de flacons de vieilles fines Napoléon, c'est pour toi mon Léon. Avant ton départ, je n'allais que dans les milk bars. À tous mes repas, je buvais du Coca-Cola. Je bois aujourd'hui toutes les nuits 30 whisky et 20 cognac dans des verres à demi. Léon, Léon, j'ai tant souffert de ne plus te voir, que chaque soir dans mon désespoir, depuis je prends la cuite. Oh Léon, Léon, Léon, Léon, dans le vin blanc partout chaque soir, je me noircis pour chasser le noir. Oui, mais ensuite l'amour me ronge, je bois comme une éponge, jusqu'à l'aube prochaine, je traîne ma peine, je me pocharde, les agents me regardent, surtout quand je m'attarde, criant au bec de gaz. Oh Léon, j'suis gaz, j'ai les guibolles en accordéon. Avec toi, mon Léon. Reviens, piscine bella, reviens vers notre amour. Dans l'ombre où je t'appelle, j'attends toujours. Suivre un désir qui passe n'est pas le vrai bonheur. Souvent l'amour s'efface, brisant les cœurs. Fais pitié de mes larmes, souffrir n'est pas un jeu. Il n'est pour moi de charme que dans le miroir bleu de tes yeux. Reviens, piscine bella, n'entends-tu pas ma voix? Ne me sois plus cruelle, reviens vers moi. C'est la chanson toujours naïve et tendre des amants que l'amour un soir a rendu fou. Prêtez l'oreille et vous pourrez entendre dans bien des cœurs ce chant si doux. Reviens, piscine bella, reviens vers notre amour. Dans l'ombre où je t'appelle, j'attends toujours. Suivre un désir qui passe n'est pas le vrai bonheur. Souvent l'amour s'efface, brisant les cœurs. Fais pitié de mes larmes, souffrir n'est pas un jeu. Il n'est pour moi de charme que dans le miroir bleu de tes yeux. Reviens Piscina Bella, n'entends-tu pas ma voix? Ne me sois plus cruelle, reviens vers moi. Quand je me promène dans le métro, en taxi ou dans la rue, je voyage incognito, mais je suis toujours reconnu. Les femmes se disent, j'en suis sûr, c'est lui le, c'est lui qui, poliment je les rassure. Mais oui, madame, oui. C'est moi, Bébert, la régie, la terreur de Paris, le roi du microphone. Les caïds de la radio, ils sont tous mes panneaux, je vous jure que ça boulonne. Pour sûr, c'est un beau métier, il faut de l'autorité, et là, je ne crains personne. Si on veut se faire respecter, il faut savoir crier, c'est très mauvais coupé. C'est plus dur que ça en aller, et je peux être fier d'être Bébert. Bébert, Bébert, Bébert, la régie, j'y. Partout, je suis invité, je fréquente les salons de la comtesse de B et de Jojo l'attraction. On y joue au baccarat, au 421. Moi je bois des Alessandra en surveillant le turbin. Mais oui, en surveillant le turbin. C'est moi, Bébert, la régie, la terreur de Paris, le roi du microphone. Les caïds de la radio, ils sont tous mes potos, je vous jure que ça boulonne. Pour sûr, c'est un beau métier, il faut de l'autorité, et là, je ne crains personne. Si on veut se faire respecter, il faut savoir crier, c'est très mauvais coupé. C'est plus dur que ça en a l'air, et je peux être fier d'être Bébert. Bébert, Bébert, Bébert, la régie, j'ai les vedettes de cinéma, du théâtre, de la radio. Non, pas de secret pour moi, je connais Pierre Frenettino. Je pourrais vous raconter ce que j'ai vu, c'est inouï. Vous ne pouvez pas supposer, tenez un exemple, entre hein, et ben c'est fini. Et je pourrais vous en raconter encore bien d'autres, seulement voilà, honneur et discrétion. Et puis... Je serai pas Bébert, la régie, la terreur de Paris, le roi du microphone. Les sandales et les potins, les petits trucs dans les coins, moi tu ça regarde personne. Je vous jure que dans ce métier, on pourrait dévoiler des histoires polissonnes. Mais voilà, j'ai ma fierté, quand je me sens tenté, je crie hop, censuré. C'est plus dur que ça en a l'air, et je peux être fier d'être Bébert. Bébert, Bébert, Bébert, la régie, j'y. Passé de 32 minutes sur Arc-en-Ciel. Je voudrais un bateau, joli bateau, par Charlotte Bourvia. Ainsi pourquoi je dis moi-même autrefois, je voudrais un joli bateau. Ce mot d'enfant, je l'ai repris avec tendresse, lorsque plus tard j'ai de l'amour connu l'ivresse. Fidèle aux vœux formés dans ma prime jeunesse, j'ai murmuré dans les bras de l'être adoré. Je voudrais un joli bateau pour m'en aller avec toi sur l'eau. Qu'importe alors où nous irions, j'aurai tes yeux comme horizon. Nous ferions, guidés par l'amour, un merveilleux voyage long cours qui finirait toujours trop tôt. Dans libre. On n'y peut rien, l'amour a le destin des roses. Aussi mon cœur est devenu triste et pour cause. Seul à présent, je dis encore la même chose. Mais cette fois, je le fais en sachant pourquoi. Je voudrais un joli bateau pour découvrir un monde nouveau, un monde où les amants sont vrais, où les cœurs ne souffrent jamais. Je voudrais, mais pourquoi vouloir, mes rêves fous, mes pauvres espoirs vont s'engloutir au fond de l'eau, dans mon joli le soir d'un 14 juillet, quelques lampions qui tremblaient sur un fil faisaient briller solitaire et discret un petit bal au milieu de la ville. Bal, petit bal, où l'on s'est connu, souviens-toi, tu n'étais pour moi ce soir-là rien qu'un inconnu. Bleu ou bien vert, tes yeux lumineux sont si clairs, ils m'ont mis la tête à l'envers sur un air de fête. Je me souviens du patron sympathique qui discute politique avec l'agent flegmatique. Et pour nous deux, un seul musicien paresseux et le vent léger qui faisait voler tes cheveux. Et quand le dernier lampion s'est éteint, un grand amour était né dans la ville. C'était le nôtre dansant au matin, dans le petit bal devenu tranquille. Bal, petit bal, où l'on s'est connu, souviens-toi, tu n'étais pour moi ce soir-là rien qu'un inconnu. Bleu ou bien vert, tes yeux lumineux sont si clairs, ils m'ont mis la tête sur un air de fête. Ah mes amis, ce fut une bien belle noce. Le patron et ses huit gosses étaient venus en carrosse. Et maintenant, nous voilà clients pour longtemps de ce petit bal où l'amour un soir en dansant. Bal, petit bal, Michel Dax et l'orchestre de Philippe Gérard. Et on écoute maintenant le rythme américain par Josette Dédé. Quand il l'a vue à ce qu'elle était bien, elle arrivait tout droit de l'Amérique. Elle lui demanda l'adresse de chez Paquin. Elle était tellement sympathique qu'ils essayèrent une toute petite conversation. 3 heures après, elle lui donnait ses impressions. Vous n'avez pas le rythme américain. Vous ne mâchez pas le chewing-gum et le baseball ne vous dit rien. Vous n'avez pas du sang indien. Benny Goodman, Duke Ellington, tout ça c'est loin. Évidemment, vous connaissez les petits mots au cœur qui font plaisir au cœur. Mais vous parlez, c'est au surpris. Si sans vous prévenir, on vous dit venez danser boogie, boogie, boogie, boogie, boogie. Vous n'avez pas le rythme américain. Mais je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Il attendit ce jour-là plein d'entrain, comme elle aimait les endroits où l'on dansait. Il l'emmena dans un dancing mondain, espérant qu'il aurait plus de chance. Mais à peine avait-il commencé à danser, qu'elle lui dit: danse donc ailleurs que sur mes pieds. On n'avait pas le rythme américain, vous ne mâchez pas le chewing-gum et le baseball, ne vous dit rien, vous n'avez pas du tout de sang indien. Benny Goodman, Duke Ellington, tout ça c'est loin. Évidemment vous connaissez les petits mots au cœur qui font plaisir au cœur. Mais vous paraissez tout surpris si sans vous prévenir on vous dit: venez danser, boogie boogie boogie boogie boogie. Vous n'avez pas le rythme américain, mais je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Oui. Elle vint chez lui à ce qu'elle était bien, tout simplement pour une petite visite. Ce qui se passa, nul n'en sut jamais rien. La lumière s'éteignit tout de suite, mais il dut cette fois-là tellement bien s'expliquer qu'elle se mit à murmurer d'une voix passionnée: vous n'avez pas le rythme américain, vous ne mâchez pas le chewing-gum et le baseball se trouvait très bien. Je ne sais pas si c'est le rythme cubain, mais d'ailleurs ça dit qu'Ellington se trouvait très loin. Et avec ça vous connaissez les petits moments au cœur qui font plaisir. Mais où avez-vous donc appris ce que vous faites de cette nuit quand vous dansez boogie boogie boogie boogie? Vous n'avez pas le rythme américain, mais je reviendrai chez vous demain matin. Voulez-vous danser grand-mère? C'est chanté par Lina Margie. Oh, quelle cérémonie pour grand-père et grand-maman. La famille est réunie pour leur noce de diamant. Le champagne qui pétille fait pétiller tous les yeux quand une petite fille dit en riant au bon Dieu: voulez-vous danser grand-mère, voulez-vous valser grand-père, tout comme au bon vieux temps quand vous aviez 20 ans, sur un air qui vous rappelle combien la vie était belle. Pour votre anniversaire, voulez-vous danser grand-mère, comme la joie est immense. On fait jouer au phono le disque d'une romance aux accents doux et vieillots. Alors oublions le ride en souvenir du passé, les deux aïeux se décident et s'enlacent pour danser. Voulez-vous danser grand-mère, voulez-vous valser grand-père, tout comme au bon vieux temps quand vous aviez 20 ans, sur un air qui vous rappelle combien la vie était belle. Pour votre anniversaire, voulez-vous danser grand-mère? Sur un air qui vous rappelle combien la vie était belle, pour votre anniversaire, voulez-vous danser grand-mère? Dalila et Bruno Guillain, génération 78. Dalida, une carrière sur laquelle on pourrait... Oui, une seconde, les fans sont déjà là. Eh oui, présenté par Michel Ducret. On en parlera d'ailleurs assez longuement le 23 avril, car elle sera l'invité d'honneur. Elle aura droit à un numéro spécial des rendez-vous de dimanche. Et en avant-première, voici sa carrière résumée par Dalida en 6 minutes 30. Ça s'appelle Génération 78. Et pour cela, elle est accompagnée par un fan qui danse bien, qui s'appelle Bruno Guillain. Il a 17 ans, vous allez le reconnaître si vous avez vu le film de Michel Lang, L'Hôtel de la Plage. Le voici. Je connais toutes tes chansons, tes refrains chantent au fond de mon cœur. Il me revient, tu sais, quelle que soit la saison, et ils font partir dans les souvenirs. comme un enfant. Fort comme un homme. Il ne va pas parler d'amour. Il ne va pas parler d'amour. Il disait que les mots d'amour. Il disait que petits incidents techniques ou autres, j'espère que vous avez passé un bon après-midi en ma compagnie et je vous donne rendez-vous samedi prochain ce sera l'accordéon à partir de 16h et dans quelques minutes je laisserai la place à Francky pour son émission After Job. Bonne semaine à tous et à toutes et puis une page de publicité avant Francky. On n'a pas toujours 20 ans. Sa mousse est plus légère que la rosée du printemps. Il pétille dans nos verres, dans tes yeux, dans mon cœur. C'est le vin du bonheur. Écoute, les oiseaux chantent, ton rire m'enchante et l'amour est vainqueur. Dans le fond du jardin, l'orchestre joue soudain pour couronner la fête. Une valse musette, tournons, tournons toujours. C'est le bal de l'amour que de châteaux en Espagne on fait en buvant du champagne. Et il pétille dans nos verres ce champagne troublant. Ne fais pas de manière, on n'a pas toujours 20 ans. La mousse est plus légère que la rosée du printemps. Et il pétille dans nos verres, dans tes yeux, dans mon cœur. C'est le vin du bonheur. Écoute, les oiseaux chantent, ton rire m'enchante et l'amour est vainqueur. Dis-moi dans ce beau jour qu'on s'aimera toujours. L'auberge vient d'éteindre, nous pouvons nous étreindre. Regarde au loin les cieux, ils nous font les doux yeux. Ah, quel plaisir la campagne, surtout quand on boit du champagne. Et il pétille dans nos verres ce champagne troublant. Ne fais pas de manière, on n'a pas toujours 20 ans. Mousse est plus légère que la rosée du printemps. Et il pétille dans nos verres, dans tes yeux, dans mon cœur. C'est le vin du bonheur. Écoute, les oiseaux chantent, ton rire m'enchante et l'amour est vainqueur. Arc-en-ciel, la radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Right. C'est le temps des idées, c'est le temps des envies. Avec l'entreprise DCM de Castro, vous avez l'assurance de la parfaite réalisation de vos projets. Décorations, peintures et sols, revêtements muraux, ravalements, traitements de toiture, choisissez DCM de Castro, le professionnel fort de 30 années d'expérience dans notre région. DCM de Castro, 39 rue de Vaucouleurs à Orléans, téléphone 02